La triste espèce blesse, laisse perplexe, stress et qui stresse, déteste, qui teste sans complexe, le best soldat de l'Est, qui laisse ceux qui testent avec des blessures pour ceux, chasseux, baveux, non fracture, coup dur, coup pas, coup pas, ah pas, compact, compact, j'attaque à coup de matraque, ceux qui m'attraquent, ma race, carnaque, ma race en trace, dog, Babylone, face à dos, face à face, lâche, lâche, ma gaine, mon arme, lâche, hélas, la cible se replie, se multiplie, oui, Babylone me nuit, la nuit, là où je vis, j'écris, mais qui dit que c'est ça la vie, je prie pour le prix et vous prie d'écouter les cris, je l'avais déjà dit, chanson numéro au 2 de mon premier album. Ta gueule, vis ta vie et reste en vie. Et j'en 6 heures dans mon secteur, soleil qui annonce la fin de la journée. Reflète la pollution sur mon partner Kiwi Dwight, on n'est plus campé qu'un camping. Ouais, pour écrire des cris sur un beat qu'on a à dire. Mais y'a trop de fric énergent sur mon cellulaire, c'est étrange. Fait que je le ferme, reprends mon crayon d'une main ferme. Sac passé black man. Tu te bats avec les lois de l'homme, je me bats avec les lois de Dieu. Tôt ou tard, tu verras que l'homme sera toujours au pied de Dieu. Tu te bats avec les lois de l'homme, je me bats avec les lois de Dieu. Tôt ou tard, tu verras que l'homme sera toujours au pied de Dieu. J'tannique la zone soit minée, trop surveillée, contrôlée, policiers, téléguidés, liberté brimée, contrôle le papier, c'est pas drôle dans les cités. C'est rendu que ma propre déprime me brime, la vie sans intérêt, mes rimes rime, mais mon cœur s'abîme, mes yeux s'égratignent. À force de voir les rapports de force hardcore entre les noirs et les autres, les apôtres diaboliques du racisme. Yo, mon texte me blesse, sans mon stress, à travers ma veste, sentiment qui laisse que les textes brutales et bénétrés, c'est normal. Toi aussi, t'as mal, ah, parfois suicidal, parfois anormal. C'est pas normal que la société fasse si mal. De l'avalant en joue longue. Il y avait la salle, illusion en joue, j'avoue. Certains crétins le méritent, mais pas les femmes enceintes, ni ceux qui vivent legit, j'hésite. Tu te bats avec les lois de l'homme, je me bats avec les lois de Dieu. Tôt ou tard, tu verras que l'homme sera toujours au pied de Dieu. Tu te bats avec les lois de l'homme, je me bats avec les lois de Dieu. Tôt ou tard, tu verras que l'homme sera toujours au pied de Dieu. Damn homie, j'sais pas ce que j'ai trop d'agressivité. Mon quartier fait sentir opprimé, découragé. J'en concours après comme un esclave enchaîné. J'suis déchaîné, j'ai trop vu, j'ai vu la réalité, les pénalités. Hey Tweety, quoi que c'est, j'viens de barrer sur une passée comme un pitbull sur un policier. Juste à l'idée d'y penser, ça me fait rire. Tu dis même? Ah ah oui, mais bon, j'vis ma vie et reste en vie, lucky comme Lucky Luke avec mon fusil. Quoi, ça t'impressionne? J'vis comme les Dalton, j'bande, j'dessine. Demande à grosse Pénélope ou Aline. J'ai ben d'adrénaline, non, ni j'me défoule. J'suis sauvage et puissant, pur sang. Ça me fait oublier les réalités, ces pénalités. Yo, l'arbitre de mon quartier est acheté. Ouh, quoi? Ah, fais attention, non. Man. Ils vont me donner une suspension quand ils vont voir à quel point les filles des policiers. MKC, RMNOP. Hey, OKC, okay, c'est la grosse rousse cool. Rousse au téléphone. Je suis pas d'ici, peace pour la vie. De retour sur Doc Babylone, 69.3 FM, la radio qui dit les Just Come, les Big Up, les Don. À ne pas oublier la France et ses MC, Orléans et ses banlieues, Paris et ses milieux dangereux, peace pour la vie. On prend un autre appel au 339-0185. Oui? Hey yo, KC, this is for you, this is Tweety Double, this nigga, check it out, yo. Yo, miss, I never miss you, caress my chest, made it tattoo, this is God bless, and represent KC with the sauces on chest, and let me know, peace from Double S, don't test, we got reflex, Canva, edit, found out, plus I told